L'After Job avec Francky, le mardi de 17h à 19h sur Arc-en-Ciel 96.2 FM.

Job avec Frankie, le lundi de 16h à 18h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. quel beau souvenir les Cranberries. Ah ouais, ça fait rappeler des bons moments. Un petit clin d'œil à la chanteuse qui nous a quittés il y a un peu plus d'un an. On est heureux de vous retrouver. 16h19, c'est Francky, c'est l'After Job. L'After Job avec Francky, le lundi de 16h à 18h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Et j'espère que tout le monde va bien et toujours une grosse pensée à Chichi, notre Chichi qui nous a quittés malheureusement la semaine dernière même, où Chichi mangeait des pommes comme il disait. Et ouais, c'est beau mais c'est loin. Plein de belles expressions, hein, c'est vrai. Et puis un peu déçu aussi parce qu'ils ont explosé le cercueil et puis il y a eu des selfies de fait. Ouais. Malheureusement les gens n'ont aucun respect. Ah, on devait juste se recueillir quelques secondes sur son cercueil et puis y en a qui en ont profité pour faire des selfies, c'est pas bien du tout. On est en colère du coup. Voilà, heureux d'être là, la météo qui arrive sur la conciel. La météo. La météo pour demain, eh bien de la pluie malheureusement, le ciel sera couvert toute la matinée, la pluie fera son apparition dans l'après-midi, et ouais encore de la pluie, avec quelques petits nuages, et ouais, et malheureusement pas de soleil demain, ça c'est la mauvaise nouvelle. Jimmy Cassel qui arrive à Yaman et Sandador sur un arc-en-ciel. Des stress de redresser mon bébé sur le sable de réconfort en acier. J'ai envie de te voir réveiller, oublier tes stress de voir danser mon bébé sur le sable doré, ton corps enlacé. C'est le soleil brûlant de l'océan Indien, on dirait que c'était un été indien. Tu as surgi comme une fée, l'air enjoué de ma princesse. Ringamona pita, hello. Oublier tes stress, te voir danser mon bébé sur le sable doré, ton corps enlacé. J'ai envie de te voir réveiller. Oublier tes stress, te voir danser mon bébé sur le sable doré, ton corps enlacé. Bienvenue sur une plage étoilée, je t'observais danser, l'air détaché, mes yeux brillaient sur ton corps enlacé. J'ai envie de te voir réveiller, oublier tes stress, te voir danser mon bébé sur le sable doré, ton corps enlacé. J'ai envie de te voir réveiller, oublier tes stress, te voir danser mon bébé sur le sable doré, ton corps enlacé. Au petit matin tu t'es enfui, sans faire de bruit, un simple mot me laissant incompris. J'ai envie de te voir réveiller, oublier tes stress, te voir danser mon bébé sur le sable doré, ton corps enlacé. C'était un été indien. Tu as surgi comme une fée, l'air enjoué comme ma princesse. Ringa mona pita, hello. Ringa mona mona, hello. Oh, on adore ça sur Radio Arc-en-Ciel, on est heureux de vous retrouver. Francky dans la radio, 16h26 minutes. Et on va parler du troc et vide jardin, ça va se passer à Fleury-les-Aubrais. Ça, c'est un bon plan pour vous. L'After Job avec Francky, le lundi de 16h à 18h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Et un bon plan, c'est le samedi 12 octobre de 9h à 17h au parc de Lamballe à Fleury-les-Aubrais, exposant divers ateliers divers, distribution de compost, concours de la plus belle grosse courge, ça me fait rire, le troc et jardin de Fleury-les-Aubrais, donc un événement à ne pas rater, c'est le 12 octobre. Il y aura sûrement Marie-Agnès Linguet, fondateur à la radio, qui viendra nous revoir justement pour nous donner son avis justement sur peut-être sa réélection, sa tête réélue, on sait pas, hein. On en parlera tout à l'heure avec elle. Allez, on est là, voici Last Christmas si on adore. Un día después, por ti, no quiero sufrir, mejor lo regalo a otra. Así.

donne-moi le temps de t'expliquer ce que je ressens depuis les mois. Allez, pardonne-moi le fait que je perde mes moyens lorsque je suis près de toi. Car personne ne t'arrive à la cheville. C'est avec moi que je veux faire ma vie. Est-ce que tu réalises que rien ne rivalise avec quoi pour tes valises, que l'on officialise toi et moi. Tu réalises que rien ne rivalise avec quoi pour tes valises, que l'on officialise toi et moi. Tu réalises. Est-ce que tu réalises, Kevin Kidvé, on adore, hein. Et ouais, il était sur une grosse soirée là, samedi soir, du côté d'Orléans. L'After Job avec Francky, le lundi de 16h à 18h et le mardi de 17h à 19h. Et voilà, vous avez les... Ouais. Ah, il a pas fini le jingle. Pascal, la voix officielle. Heureux d'être là, et puis on va parler de Compostelle, le voyage de Compostelle, la marche de Compostelle. Vous ne savez peut-être pas ce que c'est, on va en parler avec notre ami Patrick. Il y a longtemps qu'il n'est pas venu dans les studios de la radio, ça me fait plaisir de le retrouver. C'est Nicky Yam. Lo que dicen en la calle sobre mí. Y no te voy a negar. Estamos claros y ya. No te lo voy a negar. No te lo puedo negar. Estamos claros y ya. Estamos claros. Estamos claros. Solo deja que yo te agarre, baby. Besos en el cuello pa' calmar la sed. Mi mano en tu cadera pa' empezar, como ves. No le vamos a bajar más nunca, mamá. Ba-ba-ba-ba, baila, placata, placata. Como ella lo mueve, sin parar, sin parar. Las ganas de comerte, ahora son más fuertes. Quiero tenerte y no te voy a negar. Estamos claros y ya. No te lo voy a negar. Estamos claros y ya. Lo que he visto de ti, mami, no es normal. Pero no te preocupes que soy anormal. Sé que tus amigas no les debo gustar, pero y cuéntale, parte por parte, como tenemos sexy y te quito el estrés. Dale otra vez y no te voy a negar. Estamos claros y ya. No te lo voy a negar. Estamos claros y ya. Baila, placata, placata. Como ella lo mueve, sin parar, sin parar. Las ganas de comerte, ahora son más fuertes. Quiero tenerte y no te voy a negar. Tiene mi ceja, chipa mi me. Niki, niki, niki, yeah. La industria, J Balvin. No hablas mucho. That can be. Siga rompiendo. Balvin, Dicky, Nicky Yam, ça on l'adore sur la radio Arc-en-Ciel. 16h33 minutes, courage à vous, hein, si vous sortez du boulot, bah ouais, faut du courage pour sortir du boulot. Pas plus de courage pour y aller que pour en sortir. Quand on en sort, en général, c'est que c'est fini, ça y est, on est content. En tout cas, on est heureux de vous retrouver avec des bons souvenirs. L'Alliance Ethnique qui arrive avec Simple Funky, puis Respect tout de suite. Eh ouais, 16h33 minutes. Salut Sarah qui nous regarde là sur Facebook. Bisous ma belle. Voici l'Alliance Ethnique, des bons souvenirs, et c'est les seuls moments où on passe du bon son ici. Sur la franciel, respect. L'alliance va tellement. Vigna et Melka. L'esprit de l'alliance est. L'alliance va tellement. Vigna et Melka. L'esprit de l'alliance est. Oui, le sujet est ouvert de manière claire. Aucune ambiguïté, nos rapports sont sincères. Oui, c'est clair, je vous parle de respect. Je vous parle de cette valeur qui se perd en effet.

DCN de Castro, 39 rue de Vaucouleurs à Orléans, téléphone 02 38 66 61 35. DCN de Castro, le bon choix pour réaliser ses rêves. Et où courez-vous ? Faire de bonnes affaires. Ben où ça ? Aux établissements Mariano. Toute l'année, des prix en fête, des promotions sur de nombreux articles signalés en magasin. De délicieuses spécialités portugaises à des prix qui défient toute concurrence. Un espace épicerie, surgelé, une cave, bref, tout un choix de produits pour nous régaler. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez, appréciez et consommez avec modération. Établissement Mariano, 1 rue de l'Orme Gâteau, à Sémois. Téléphone 02 38 22 12 22. Procura um banco que lhe ofereça um aconselhamento personalizado e soluções tecnológicas inovadoras? Escolher o BCP é ter um conselheiro bilingue que o acompanha nos seus projetos em França ou em Portugal. Beneficiar de uma equipa de especialistas em gestão de património. Poder efetuar transferências para Portugal através do seu smartphone e muito mais. Visite-nos já em bankbcp.fr e agende um contacto com um conselheiro BCP para mais informações. Je vous trouve bien rêveuse. À quoi pensez-vous ? Au voyage. Ça fait toujours rêver les voyages, par terre, air ou mer. Eh bien, c'est facile de réaliser vos rêves avec Arlina Voyage. Vous avez raison. Avec Arlina, on est sûr d'être content du voyage. Pour des vacances ou voyages d'affaires, on n'hésite pas. Arlina Voyage. Bien sûr, Arlina Voyage, 116 Faubourg Bannier à Orléans. Téléphone 02 38 62 13 49. La discothèque Le 7 est ouvert le vendredi, samedi et veille de fête de 23h à 7h. Terrasse, navette, soirée à thème. Renseignements au 06 36 70 13 07. Le 7 discothèque, c'est deux routes d'Orléans à Chingy. Le 7. L'After Job avec Francky, le lundi de 16h à 18h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Ah ouais, c'est là, c'est maintenant le lundi, bah voilà, 16h à 18h, notre invité aujourd'hui, on va parler de Compostelle, que tout le monde ne connaît pas, là, ce beau voyage, cette marche, je sais pas comment on l'appelle, salut Pat. Bonjour Francky, bonjour à tout le monde. Déjà, ça me fait plaisir de te retrouver sur Radio Arc-en-Ciel, ça fait quelques semaines, quelques mois qu'on s'est pas vu. T'es un habitué des lieux? Ouais, t'es venu à plusieurs fois. 7-8 fois, je dirais. Facile. Toujours avec plaisir. Compostelle, on va parler de déjà ton rôle. Alors c'est quoi de, on parle d'abord de ton rôle, toi, Pat, Patrick. Donc moi je fais partie de l'association Compostelle 45, ouais. Où on est une association qui aidons les gens à partir sur le chemin. Ouais. Notre slogan c'est un peu t'as un projet, on t'aide à le réaliser. D'accord. Ça veut dire qu'avec tout en relation avec le ciel. Surtout sur la terre. Là. Sur la terre, mais il nous aide un peu là-haut. Peut-être, peut-être. Mais en tout cas, on essaye de d'amener les gens sur le chemin, j'allais dire matériellement, avec la logistique. D'accord. Savoir quel chemin qu'on va prendre, puisqu'il y a quatre chemins principaux en France. Il n'y en a pas plus. Si, il y en a plus, mais les quatre officiels, on va dire. Les quatre chemins principaux, c'est la voie de Tours, ouais. Donc, qui part de Paris, qui passe par Orléans ou par Chartres. Ouais. Ensuite, il y a la voie du Puy, de Arles et puis de Vézelay. Alors, Compostelle, pour ceux qui nous écoutent, c'est quoi ? Parce qu'on connaît, ou pas, on se pose des questions aujourd'hui. Alors certains l'ont déjà pratiqué, certainement, ou pas, et on se dit, c'est quoi alors Compostelle ? Compostelle est cette fameuse marche, ce 1600 km d'Orléans. C'est en Espagne. En Espagne, à l'autre bout de l'Arc. Voilà. Et on est à 800 km de la frontière, 1600 km d'Orléans. Ouais. Compostelle, c'était effectivement, quand on dit Compostelle, on va aussi sur le tombeau de Saint-Jacques de Compostelle. Saint-Jacques, c'était un... Qui était effectivement un apôtre du Christ et qui a été enterré là-haut. Saint-Jacques, ouais. Saint-Jacques. Quand tu dis Saint-Jacques, je pense aux coquilles, moi. Coquille Saint-Jacques. C'est fait pour manger à Noël. C'est ça. Et l'origine du chemin, effectivement, est des coquilles. Ouais. Fait que quand les gens, dans le Moyen-Âge, ils partaient vers le chemin de Compostelle, ouais. Ils revenaient avec les coquilles qu'ils trouvaient sur la Galice et sur le bord de mer. Et après, ils faisaient des coquilles à la baraque. pour pouvoir prouver qu'ils avaient bien fait le chemin. D'accord. En tout cas, c'est une belle aventure, c'est un beau chemin. C'est un qu'on, qu'on soit croyant ou pas, on le fait. On peut le faire, dis-moi. Alors, je vais dire que c'est un chemin qui, on est dans la spiritualité humaine, où chacun y met le sens qu'il veut. Amen. On va d'abord vers soi pour aller vers l'autre. Ouais. Et c'est ça le chemin. Et après, chacun y met, c'est pour les gens qui sont chrétiens, ils mettent un sens de leur foi. Ceux qui n'y sont pas, ils mettent le sens qu'ils ont envie. Et c'est ça ce qui permet d'avancer tous les jours. Bien sûr. Tu connais des personnes qui le font, qui ne sont pas chrétiens, qui ne le pratiquent pas, qui ne sont pas croyants du tout. Bien sûr. Et qui le font juste pour le plaisir, pour découvrir justement cette belle aventure. Je connais un certain nombre de gens qui le font parce qu'ils ont envie de le faire, pour se prouver qu'ils sont d'abord capables de pouvoir marcher. Ouais. C'est un défi par rapport à soi-même. C'est aussi tout ce qui est sur un plan historique, sur un plan architectural. C'est aussi un magnifique chemin qui nous fait passer vers des très très beaux villages et des très belles villes. Une association qui fonctionne bien. Nous sommes à près dans les 140 adhérents. Ouais. Et on a des réunions mensuelles tous les premiers mardis de chaque mois à Saint-Jean-de-Bray. Ouais. Et on est à peu près dans les 70-80 tous les mois où on se réunit et on prend le temps de parler ensemble, de se retrouver. C'est important. Tu m'as dit, il y a beaucoup de choses qui arrivent là pour les semaines à venir, justement pour Compostelle, l'association. 45 Compostelle, 40, Compostelle 45 ou quoi? Oui, Compostelle 45, d'accord. Tout à 45 fait. 45 Compostelle, j'ai dit à l'envers. C'est pas grave, ça te dérange pas. Absolument pas. Je vais pas me faire engueuler parce que je vais pas me faire taper sur les doigts. Hein. Absolument pas. Alors, quels sont les projets qui arrivent sur l'avenir, sur le long terme ou le court terme peut-être? Alors, un des gros projets qu'on a fait, qu'on travaille depuis 2 ans, c'est un livre qui va sortir sur les chemins de Compostelle. Ah, ça c'est bien ça. Et c'est un des premiers livres qui va sortir comme c'est ça. C'est vous qui l'éditez, qui l'éditez par rapport aux aventures qui sont arrivées à des personnes qui ont fait le parcours. Oui. C'est ça un peu? C'est un livre collectif. Ah, et ouais. C'est la première fois qu'un livre comme ça va sortir, ouais. Où il y a c'est tous les gens qui ont, les personnes qui ont écrit. La seule chose qui a été corrigée, c'est les fautes d'orthographe et les syntaxes. Ouais, c'est pas facile les fautes d'orthographe, hein. Moi j'en fais plein. Hein. C'est pas grave. Ouais, t'en fais toi aussi, non? Oh, plein. Ouais, comme tout le monde, je crois, enfin, en fait. Et donc, ce qui fait que ce livre, il va sortir avec chacun écrit, avec le sens qu'il veut, comme il le voulait et ce qu'il voulait. D'accord. Et pas c'est facile. Une des premières fois que ce livre va sortir d'ailleurs avec une, je pense, avec une association qui est déjà sur Orléans, ouais. Et qui fait des livres. Qui fait des livres. Oui. C'est dur d'écrire un bouquin aujourd'hui, non? Ça dépend comment on écrit. Ouais. Si on écrit avec la grammaire du cœur, il n'y a aucun problème. Avec la grammaire du cœur. J'ai jamais entendu cette expression, la grammaire du cœur. En tout cas, c'est une belle expression. Tu me touches à chaque fois que tu viens. Toi, je sais que t'es quelqu'un. Alors, j'adore te recevoir pour deux choses. Parce que Compostelle, c'est un beau parcours. Déjà, c'est un bel événement, on va dire. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça un événement. Mais t'es une personne posée, tranquille. À chaque fois, j'ai l'impression que t'as la foi en toi, t'as tout en toi. T'es quelqu'un qui relativise, qui prend pas. Je t'ai jamais vu malheureux, triste. T'as toujours le sourire, mon ami. C'est quoi ton remède? Parce que faut nous le filer le remède, hein. Tu sais, je crois qu'il y a quelque chose qui est très simple. Quand tu vois la vie positivement, tu ne peux trouver que des solutions. Que des solutions. Quand tu la vois négativement, tu trouves que des choses qui n'existent pas et que tu ne peux pas réaliser. Je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que quand tu penses négatif, forcément, tu vas te dire que tu ne vas pas trouver le bout du chemin, la solution au problème. Parce que tu te broies du noir, c'est tout ce qu'on dit, voilà, tu t'enfermes. Alors que si tu restes dans la positivité, comme ça qu'on se dit, ouais, j'espère. Oui, tu es positif, tout à fait. Tu me reprends, Patrick, sinon. Là, tu peux trouver des solutions, des tunnels qui s'ouvrent, hein. Ouais. Et je crois qu'en même temps, tout ce que l'on vit. Toi, t'as les belles paroles, hein. Toi, je t'aurais bien vu curé, toi. Mais non, sérieux, je t'aurais vu curé, là. J'aurais été me confesser toutes les semaines, hein. T'es curé, hein. Pas de problème. Non, je suis qu'un laïc. Je mets un peu d'humour dans mon émission, hein. Il faut, hein, aujourd'hui. Je suis qu'un laïc. Non, t'es qu'un laïc, mais bon, je t'aurais bien vu curé quand même. Non, et je crois que c'est ça qui est justement important, c'est de voir les choses positivement. Et à ce moment-là, quand on les voit positivement, on sait qu'il y a une solution qui va arriver. Ouais. Le seul problème, c'est de l'attendre et de se donner les moyens pour la trouver. Mais ce qui fait ta force aussi, je pense, parce que tu me disais il y a quelques années, on se connaît depuis 3-4 ans, je crois, c'est ça à peu près. Tu m'avais dit, j'ai été infirmier psychiatrique, c'est ça? Complètement. Voilà, pas qu'infirmier, mais tu aidais les gens moralement, tu les aidais par la parole, par la sagesse, Je sais pas, c'est la sagesse, mais en tout cas, prendre avec la parole, prendre le temps et laisser à l'autre le temps de pouvoir s'exprimer et de pouvoir dire ce qu'il ressent. Et c'est à partir de là, parce que les gens, avec ce qu'ils vivent, et on prend les gens comme ils sont, avec ce qu'ils sont, et non pas comme moi je voudrais qu'ils soient. Ah ouais, belle parole. On va revenir sur Compostelle, mais là, y a beaucoup de gens qui nous écoutent en voiture, là, en sortant du boulot. Si toi aujourd'hui t'as une solution pour les gens qui ont des problèmes en ce moment dans la voiture là, qui pensent à des choses qui ne vont pas, ça les perturbe, ça ne va pas dans leur tête. Alors que est-ce que Patrick a une solution, une aide verbal aujourd'hui, hein, parce que ça peut être que verbal. C'est quoi? Effectivement. C'est quoi? À chaque fois que moi j'ai on rentre, on se dit bah il y a ça qui va pas, j'ai ça qui va pas, il y a ça. Ça nous pompe le cerveau. Alors, ça serait quoi ta belle parole aujourd'hui, mon curé préféré? Je sais pas. J'adore. Mais ce que je veux dire, c'est la solution, c'est de qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qui va nous rendre bien. Je veux dire, peut-être écouter de la musique, bouquiner, aller faire du jardin, aller marcher. S'évader ailleurs, alors. C'est faire autre chose qui permet d'avoir cette ouverture, pouvoir reprendre le problème autrement, sur un autre biais. D'accord. Ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, moi, quand j'ai des décisions à prendre, je vais marcher. Tu marches. Et après, pendant ce temps-là, je vois les choses, je vois autrement. T'analyses. Je prends le temps de vivre les choses pour pouvoir mieux réagir après. D'accord. Bah voilà, sur ces belles paroles, j'espère que ça vous aura aidé en tous les cas. Je t'écouterai des heures, hein, on pourrait faire une émission sur le social avec toi, hein, sérieux. Non mais c'est vrai, Antoine il est là, il peut témoigner. Hein. T'es un mec qui est fort, quoi. Qui est fort. Alors Compostelle, la suite, il y a d'autres événements, tu m'as dit. Oui, donc on sort un livre et puis pour la première. Ah, je salue mon ami Narcisse qui nous regarde d'Ibiza. Il y a mon pote. Ouais, salut Narcisse, salut mon poteau. Je vais pas dire son surnom parce que c'est un gros mot à l'antenne, mais salut mon gros, j'espère que tu vas bien Narcisse. Ibiza qui nous regarde. Ah, c'est un super ami ça. Salut Nadia aussi qui est là. Il y a beaucoup de gens qui nous regardent là. Ouais. Alors, Compostelle, la suite, ce voyage de Compostelle, bah justement, lui il est à Ibiza, c'est pas loin Ibiza. Oui, c'est pas le même endroit. Hein. Compostelle, Ibiza, c'est un peu le jour et la nuit. Hein. À Ibiza, c'est la teuf et là, Compostelle, bah c'est tranquille. Hein. C'est aussi la teuf le soir. Ah, c'est la teuf le soir, en fait, quoi. Vous lancez quoi sur du verre sur Rennes? Non, il y a tous les bars qui sont ouverts et ah, tout ouais, ça. Quand et même, ça claque. Ouais, mais ça, c'est un monde à part par rapport à Ibiza quand même. C'est complètement différent. Autre chose, hein. On est dans une autre vie. À Ibiza, là, il y a des gros trucs là où qui se passent. Hein. Narcisse, salut ma grosse. Salut mon Narcisse. Un Roumain, j'adore. C'est un super pote à moi. Et j'irai le voir à Ibiza. J'ai un pote qui est là-haut en ce moment. Ouais. Je vais dire qu'il passe le voir. Alors, Compostelle, la suite, les événements qui arrivent, que se passe-t-il dans la sauce? On va aller faire une journée à Montargis. C'est la première fois que ça nous arrive. Ouais. Au mois de novembre. Mmh. On fait une émission de radio le matin. Ouais. Et puis, on va passer la journée dans un grand, j'allais dire, un grand magasin de sport. Ouais. Et le soir, on fait une conférence. Ah, c'est cool ça. Voilà. Une belle conférence. On a le bonjour ensoleillé de Nina Boyer, qui est partie aussi habiter dans, je sais plus où elle est partie habiller. Dis-moi où t'es partie habiter, Nina. Alexandra qui regarde aussi. Salut Lily, salut Francky. Il y a du monde, hein. On est débordé là, mon ami. Compostelle, voilà. Donc, Montargis, notre bel événement. Voilà, tout à fait, au mois de novembre. Et puis, vous allez créer des objets, c'est ça que tu vas dire en antenne, non? C'est pas ça? Vous n'allez pas faire des objets ou des choses pour. L'année prochaine, on va, effectivement, on va faire les journées Compostelle au mois de novembre. Ouais, ouais. Et donc, effectivement, là, on devrait accueillir toute la France qui devrait arriver. Ça va être bien, ça. On travaille déjà dessus. Qu'est-ce qui te motive, Patrick, aujourd'hui, dans cette association? Parce que l'asso, on sait que on n'est pas payé, en général. Y a, enfin, des fois, il y a un salarié, ou pas. On est tous bénévoles. On est tous des bénévoles. Toi, surtout, le premier. Qu'est-ce qui te motive, aujourd'hui, justement, à rester dans l'asso, à pousser le vice jusqu'à faire plein de choses? Parce que ça prend du temps, hein. C'est pas facile d'être bénévole, hein, oui, aujourd'hui. Hein. Tu sais, dans l'Aubrac, il y a une phrase qui nous dit. Ah, j'adore quand tu parles comme ça. Dans le silence de ma solitude, je n'entends plus que mon essentiel. Et je crois que de marcher sur ce chemin, ça nous amène vers notre propre essentiel, quel qu'il soit. Ouais. Et ça nous permet effectivement de vivre autrement et différemment. Ouais, ouais. Et comme on revient toujours différent du chemin de Compostelle, c'est ça aussi qui nous permet de vivre, pour retrouver toujours ce même rythme et pour retrouver cette envie de pas se prendre la tête, mais de vivre pleinement les moments présents. Et c'est ça la joie du bonheur. Mais toi, faut que tu fasses une émission avec moi en direct pendant une heure. Hein. Faut qu'on fasse une ligne directe, écoute le problème des gens. Ah, je veux bien. Ce serait sympa ça. On pourrait faire l'expérience. À lundi, on se fera ça quand t'auras un peu de temps. Nina, elle habite à Cluse, entre Annecy et Chamonix. Voilà, ça te parle. C'est aussi un chemin qui va vers Assise, oui. Ah voilà. Bonjour du 95 aussi. Salut Frédéric. Salut Fred. Salut Jennifer. En tout cas, Compostelle, moi, ça me donne envie. Enfin, ça me donne envie que tu viennes souvent, surtout. Ouais, c'est ça. Un dernier mot à rajouter, mon Patrick, pour parler de Compostelle, parce qu'il y a des choses à dire quand même. Et puis on travaille aussi avec des guides qui vont venir, parce que notre chemin il passe par Autrui, Bazoche et Achère. Ouais. Et donc on travaille avec des guides comme le Mimiam Dodo ou avec le guide de Compostelle 2000 qui vont sortir et qui vont faire qu'il y aura plus de monde qui vont passer sur Orléans. Donc quand vous voyez des gens avec des sacs à dos et des coquilles derrière, dites-leur bonjour, demandez-leur si ils veulent, s'ils ont besoin de quelque chose, s'ils ont besoin de boire ou s'ils veulent avoir de l'eau. Ouais, ça c'est bien. Alors ouais, parce que c'est pas facile de se ravitailler sur le chemin, si? Il y en a, mais peut-être pas assez, mais bon, il y en a. D'accord, ok. Bon, en tout cas, ça, moi, c'est quelque chose qui me touche, qui me marque à chaque fois. C'est pour ça que je te dis, passe à la radio quand tu veux. Nous, on est radio ouverte, hein, c'est vrai. Et à chaque fois que je viens, avec toi, c'est que du bonheur. Je te dis, on va faire une émission un lundi ou un mardi, là. On va faire un 16h-18h avec tous vos problèmes. Vous nous appelez. Et là, tu prends tous les auditeurs au téléphone, hein, et on se débrouille avec eux. On va régler les problèmes de tout le monde sur Orléans. Voilà, ça, je vais préparer ça. Hein. D'accord. Peut-être pas lundi prochain, dans 15 jours, on va faire ça pendant les vacances scolaires. Tiens, voilà, ça serait pas mal, hein. Comme ça, les gamins, ils peuvent nous appeler et tout. Hein. Et puis, on travaille aussi avec l'association de Compostelle 28 de Chartres pour faire un chemin Chartres-Orléans qui serait balisé et qui permet effectivement aux personnes de pouvoir prendre le temps de marcher avec des lieux d'hébergement et tout ça. En tout cas, de bons moments avec toi, toujours Pat. Le chemin de Compostelle, combien de kilomètres d'Orléans Il n'y a que 1600 kilomètres. Oh, c'est facile. À pied, point. À pied, 2 mois et demi. Il y en a qui galèrent des fois quand ils volent chez eux à pied, ils font 300 mètres, ils gueulent. Alors t'imagines 1600 bornes. Il faut quand même moralement être prêt. Hein. Et physiquement aussi, je pense aussi. Mais moralement, faut réfléchir. Oui, hein. Oui, c'est ça. On se dit, tu sais, sur le chemin, parfois on se dit, mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous là, ouais. Parce que moi, j'ai un pote qui est parti à Ibiza. Là, ça n'a rien à voir, hein, mais il est parti en avion, tu vois, il a mis une heure. Hein, voilà. Donc, mais quand Compostelle 1600 bornes à pied, faut être motivé, Patrick. Oui. Hein, et si tu vas à Tours en voiture, on met 2 heures, mais à pied, on met une semaine. Une semaine, voilà. Une semaine. Donc, si vous voulez partir à Compostelle pendant une semaine à pied, Tito qui est là, salut Tito, salut Céline aussi, salut Nina. Il y a des auditeurs en Haute-Savoie qui nous écoutent. Salut la Haute-Savoie. Patrick, un dernier mot à rajouter, t'as d'autres choses à faire? Oui, tout le monde peut nous. Narcisse, il arrête pas de rigoler depuis tout à l'heure. Narcisse, le roumain, là, Ibiza. Ouais, il est en direct d'Ibiza, hein, c'est mon pote, et il m'envoie des cœurs et des smileys qui rigolent. Parce que ça le fait rire. Depuis tout à l'heure, on parle d'Ibiza de Compostelle, c'est vrai que c'est le jour et la nuit. Oui, hein, lui, il fait la teuf là-haut, il est dans une grosse boîte à Ibiza, une des plus grosses d'ailleurs. Faut que j'aille le voir. On ira ensemble faire la teuf là-haut. Et c'est le pote à Paris Hilton, en plus. Donc, on ira draguer Paris Hilton, il va nous la présenter, Narcisse, hein, si on peut la pécho. Hein, au passage. Salut Narcisse, salut ma poule Tito. Un dernier mot à rajouter, mon pote, pour cette interview. C'est une belle interview d'ailleurs. Notre site internet, c'est compostelle45.fr. On répond au téléphone. On a des réunions mensuelles tous les premiers mardis de chaque mois. Et puis on parle et on se rencontre. Puisque le chemin de Compostelle, c'est un chemin de rencontre. D'accord. Et il y a un Facebook, une page pour vous retrouver, Compostelle. Compostelle 45. Ah, la classe, c'est la classe. Et on peut liker, on peut vous envoyer. Il y a des dons à faire. Comment on devient adhérent de l'association Compostelle, justement? Alors, l'association ne vit que par des dons, effectivement. Ah oui, soit, on sait bien, hein. Soit qu'on adhère à l'association en allant sur la page Facebook ou sur notre site, et puis ou alors on vient à nos réunions tous les premiers mardis de chaque mois. Ok. Et, ben et voilà. Puis on vend aussi les... Parce que pour partir sur le chemin, il faut qu'on ait des crédentiales. Et donc nous vendons les crédentiales. C'est sur le carnet de pèlerin. C'est quoi le crédentiel? La crédentiale, c'est un carnet de pèlerin où on met tous les jours des tampons. Ouais, t'écris. Des tampons. Ouais. Et ces tampons, ils font que quand on arrive à Compostelle, on peut avoir le diplôme qui s'appelle la Compostella. Voilà. Si t'avais, on va parler vite fait de Chirac, Chichi, qui est décédé. Ça t'a touché, toi? T'es pas du tout Chichi, t'es plutôt... Le dernier qui reste, c'est quand même, comment il s'appelle, l'ancien président? Avant Chirac, c'était... Giscard d'Estaing. Giscard, il est encore là, Giscard. Hein. Oui, tout à fait. Il reste Giscard. Hein. Il est vaillant, hein, Oui, c'est vrai. C'est guerrier, lui. Hein. Non, ça t'a pas touché plus que ça, Chichi, manger des pommes, c'est loin, mais c'est beau. Non. Non, t'en fous, toi. Non, mais bon. Moi, ça m'a fait marrer, parce que quand j'étais gamin, j'aimais bien Chichi, on se marrait bien. Oui, non, mais. Ouais. Il était très humain et toujours dans le contact avec. Était très humain et toujours dans le contact avec les personnes. En tout cas, je vous remercie d'être venu, mon Patrick. Merci de m'avoir accueilli. Ça me touche, un bel invité aujourd'hui encore sur la radio Arc-en-Ciel. Ouais, vous êtes de plus en plus nombreux à les écouter. Puis on va se préparer une émission en direct, on vous le dit, avec Patrick. Oui, ça sera peut-être lundi prochain ou lundi d'après, on va mettre ça en place, hein, tu me diras suivant ton agenda. Oui. Parce que Patrick, psychologiquement, il connaît plein de choses. Il était infirmier psychiatrique, donc il a le parler, il a le pouvoir de faire des choses dans sa tête et de bien parler aux gens qui ont des soucis, peut-être des petits ou des gros soucis. Peut-être qu'on les réglera, ça se trouve. J'ai aucun pouvoir sauf d'aider les gens à parler. Et tu pourras aider les gens peut-être qui ont des soucis en ce moment. Ouais, ça va me faire plaisir. Merci Patrick. On peut faire l'essai. Hein, on fera un petit dessin d'après-midi entier pendant 2 heures. Venez régler vos problèmes en direct sur Arc-en-Ciel. Enfin, en régler entre guillemets. Hein, venez parler de vos problèmes. Venez nous saouler à la radio. Salut Patrick. Merci Francky. Belle journée à toi. Belle soirée à tout le monde. Ciao la famille. Arc-en-Ciel, Orléans, 96.2 FM, la radio qui nous aime. Arc-en-Ciel, les meilleurs sons latinos. La vie est belle sur Arc-en-Ciel Orléans. Arc-en-ciel, c'est du soleil toute la journée. Noté en locura, ça c'est du son caliente, on va le dire à Dernier Conseil, on vous souhaite une bonne fin d'après-midi, un bon début de soirée pour ceux qui rentrent du boulot là, pas facile la vie. Tito, ouais, on va se faire une date à 2000 à l'heure, bientôt. On est là, voici Let the Music Play, c'est Barry White et c'est sur Dernier Conseil. moving, kicking, grooving. Keep the music strong. Oh, let it play on, let on. Let it play on, let on, and on, and on, and on, and on. I'm gonna be alright. If I can make it through the night. Oh no, I'll just pretend she's here with me. I close my eyes, her face I'll see. I know it's make-believe, but it's a holy hope for me. Let the music play. I just wanna dance the night away. Here, right here, where I'm gonna stay. Oh, my love. Oh, oh, we let the music play on. Just until I feel this misery is gone. Smooth, kicking, groove. Select Music Players. Bah ouais, coucou à Virginie qui nous écoute aussi. Coucou à Stéphanie. Enfin, vous êtes nombreux l'après-midi, ça me fait vraiment plaisir. Hein. Jusqu'à 18h, on a parlé de Compostelle et puis du son qui arrive avec Bruno Mars et 21st Magic. Mass 24 Magic sur l'arc-en-ciel du son Caliente, 17h08 en direct.

tá da mesmo pra controlar, controlar, controlar. Baby, eu gosto do teu jeito de agarrar. Tens o poder de me fazer alucinar. Tu sabes bem que eu tenho vontade de te amar. Não sei como podes duvidar. Tu sabes que eu gosto do teu jeito. Pra mim tudo é perfeito. E tu, baby, vai. Não tem nada pra toque em mim, me aperta, me amassa. Assim não dá tua custa. Não consigo me controlar. Tem cuidado pra me cuidar. Não dá mesmo para parar. Tata dá mesmo pra controlar. Controlar, eu é controlar. Controlar, eu é controlar. Tata dá mesmo pra controlar. Controlar, controlar. Tu dança comigo. Tira do sério. Faz o que eu te digo. Vou falar a sério. Encosta no canto, chega mais perto. Agarra desse jeito, meio atrevido. Sabes que eu gosto do teu jeito. Pra mim tudo é perfeito. E tu, baby, vai. Não tem nada. Toque em mim, me aperta, me amassa. Assim não dá tua custa. Não consigo me controlar. Tem cuidado pra me cuidar. Não dá mesmo para parar. Tata dá mesmo pra controlar. Controlar, eu é controlar. Controlar, eu é controlar. Tata dá mesmo pra controlar. Controlar, controlar. Tata mesmo pra controlar, controlar, eu é controlar, controlar, eu é controlar. Tata dá mesmo pra controlar, controlar. Controlar, c'est bon ça? Ouais, ça fait du bien un peu de soleil sur l'arc-en-ciel. Heureux d'être avec vous, c'est Francky dans la radio. Et puis comme on l'avait dit, tiens, on va essayer d'avoir Ibiza, voir c'est du monde à Ibiza. Allô? Est-ce qu'on m'entend oui. du côté. Ah, on m'entend du côté d'Ibiza? Non, non, bah c'est cool, bah tu vois, là, j'attendais ton coup de fil, là, on descend à la piscine, il y a le son à fond, on pouvait pas mettre le son là-bas parce que t'aurais rien entendu. Donc là, hey, Flo, là, ouais, Florian, vous êtes à Ibiza. J'ai un pote qui est là-haut aussi, Narcisse, là. Ouais, ouais. On a San Antonio, là. San Antonio, ouais, ça bouge bien, alors, là-haut. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bah là, on un petit tour à piscine, puis après, on va à l'Ushuaïa, il y a le show Guetta, tout ça, là, sur la plage. Ça va être une grosse soirée, ça. Voilà. Ouais, ouais, ouais, nickel. Vous êtes arrivé quand, à Ibiza? Ce matin, là. Ouais, ouais, il y a un peu de gonzesse. Une soirée hier à Barcelone, on est arrivé ce matin. Ah ouais, tranquille. Et il y a Stephen avec moi, dis bonjour Stephen. Ah, Stephen, ouais, qui est DJ bonsoir. Aussi. Ah, bonsoir. Bonjour, il n'y a pas 4 heures de décalage quand même, il y a quoi? Il y a une heure. Hein. Bonsoir, on passe qu'on est à New York. Bonjour. bonjour. C'est quoi le programme là? Combien de jours là? 4 jours? 4-5 jours non? Ouais. De quoi? Combien de jours vous restez? 4-5 jours? Ah non, mais on part jeudi. Ah ouais, c'est bien. Ouais, c'est sorti là-haut. Hein. Jeudi soir. Ce qui est bien, c'est au moins on est sûr que ça bouge hein, là, tout le temps là-haut. Hein. C'est ça qui est ah bien. Ah bah là, il y a encore du monde. Et puis surtout, c'est la canicule. Hein. Laisse tomber le temps. Ah ouais hein. Ah bah, bah nous, il pleut, Orléans. Ouais. Voilà, donc voilà. Merci de nous foutre le moral à zéro. Je sais pas, il doit faire 30 ou un truc comme ça. C'est pour ça qu'on va à la piscine un peu là. Ouais. Le son, la piscine, les gonzesses. J'ai un peu de convenant. Bah profitez d'Ibiza alors. Merci de ce petit appel. Ouais. Bon, bah, belle journée. La bise. La bise. Ciao. fait du bien d'avoir des gens d'Ibiza quand même, comme ça, nuit pleut. Bah ouais, il fait beau là-haut. Heureux d'être avec vous, c'est Lo Que Paso Paso sur El Arc-en-Ciel. Avec Lo Que Paso Paso, heureux d'être avec vous, c'est Francky dans la radio, ça me fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Pour joindre la radio, appelle le 02 38 43 48 00. Arc-en-Ciel, Orléans, depuis 32 ans. Devenez adhérent de la radio Arc-en-Ciel. Contactez le 02 38 43 48 00. Ah ouais, pour être adhérent, c'est pas compliqué, vous m'appelez, hein, 02 38 43 48 00, et je vous passerai les bonnes personnes. Là, je suis triste, ouais, la famille Casimir est en deuil. Eliane Gauthier, la comédienne qui a interprété la marchande de bonbons dans l'île Loisir quand on était gamin, est décédée ce dimanche à l'âge de 72 ans, annoncé sa famille. Eliane Gauthier est décédée paisiblement chez elle des suites d'un cancer contre lequel sa bonne humeur et sa gloubi boulga, comme disait Casimir, n'ont rien pu faire, et on en sait, ses proches sont décès malheureusement. Voilà, ouais, ça a marqué notre jeunesse, hein. Eliane Gauthier, rappelez-vous, l'île aux enfants, ouais, la petite marchande de bonbons, hein, c'était mignon, c'était beau, ouais. Larissa qui arrive avec Baiser Salé sur El Arc-en-Ciel. Clapotis, je tente d'allumer ma clope. Voilà nos derniers mots. Toi et moi, c'est la fin. Aïe, yeah, bébé, de m'arriver. Il faut changer de tempo. Clap final, allez, bye bye. Le film est terminé, on a perdu la bataille. Même si t'étais tout pour moi, l'unique et la seule pour qui mon cœur bat. Il fallait mieux couper plutôt que de se déchirer. Entends le tic-toc des aiguilles de l'horloge qui vient sonner. La fin du voyage de la route cherchée. Tes yeux réalisaient que tout a changé. Stop, moi je m'arrête là. Faut faire mon le bouquin, nous deux il était une fois. Envole-toi, allez vas-y. Y'a pas de gilet pare-balles qui protège du verbe mais ici. bien tes malignes. Je t'ai donné tout ce que j'avais. Si tout doit s'arrêter sur ce baiser salé. Je sais bien tes malignes. Pour préserver ma vie à jamais. Si nos routes vont se quitter sur ce baiser salé. Un violoncelle seul, déboussolé sonne faux. Là dans la pièce abandonnée, vide, il y a des mots. Les non-sensés, des paradoxes sous le silence. S'installe un goût amer entre la mort et l'innocence. Passer la phase, tourner la page. Que le temps passe, combien de temps durera cette orage. Colère, haine et dépit réunis. Mais bon voilà, ça sert à quoi lorsque tout est fini. Bang, bang, bang. De vivre, mon cœur s'est arrêté. Bang, bang, bang. On a tiré, on a visé, on s'est finalement touché. Je sais bien t'es malade. Je t'ai donné tout ce que j'avais. Même si tout doit s'arrêter sur ce baiser salé. Je sais bien t'es malade. Pour préserver ma vie à jamais. Si nos routes vont se quitter sur ce baiser salé. C'est My Lady, on adore Larissa. Un beau clip, hein. Un baiser salé, hein. Ça veut dire les larmes, ouais, les larmes qui coulent, il est malheureux. Et on est là pour vous rendre heureux aujourd'hui, c'est Francky dans la radio. After Job avec Francky l'après-midi. Si vous rentrez de Paris de Tours, attention, en sens Paris-Province, la 71 est coupée à la hauteur d'Olivet. Il y a un polo qui est en travers de la route, donc déviation obligatoire. Hein. Si vous rentrez du job, par exemple, vous avez été bossé à Blois, à Tours, vous rentrez de Paris, eh bien l'autoroute est bloquée, carrément fermée même, hein, à la hauteur de Olivet. Voilà, un petit bon plan pour vous. Si vous êtes en bagnole, vous écoutez Arc-en-Ciel, et ben voilà, déviation, tac, tout de suite, on sort à droite. Mafiosa qui arrive, et c'est l'artiste, et puis qui lui avec Lorelai, la petite sœur. Il a écrit ça il y a 5 ans avec sa petite sœur, ouais, il savait pas quoi faire. Et bien un titre qui cartonne toujours encore dans les radios, dans les clubs. La vie du bon côté, c'est sur Radio Arc-en-Ciel. On vous souhaite une bonne fin d'après-midi, 17h26. On vous fait un point météo pour demain. Mauvaise nouvelle, la pluie arrive, les nuages arrivent, mais on est là avec le smile sur Radio Arc-en-Ciel. On vous souhaite une très très bonne fin d'après-midi. Ça y est, j'en ai assez, assez.

montre-moi tes enfers. Du nord et puis du sud et tes ailes de ouest. Prends tes clics et tes claques, tes rêves et ta vie, tu montes tes tabernacles, et ta langue d'ici, stampéter la foule, et la fille de l'air. Montre-moi tes étoiles, montre-moi tes enfers. S'il y a les pommes se balancent et les toits grattent le ciel, les ondes des torrents sont violentes et les neiges sont éternelles. Chez moi les loups se passent aux portes et tous les enfants les comprennent. On entend les cris de New York et les bateaux. Qu'importe j'irai où bon te semble. J'aime tes envies, j'aime ta lumière. Tous les paysages te ressemblent quand tu les éclaires. Quand tu les éclaires, tu iras où tu iras, mon pays sera ton. J'irai où tu iras, qu'importe la place, qu'importe l'endroit. J'irai où tu iras, mon pays sera ton. Qu'importe la place, qu'importe l'endroit. Devenez adhérent de la radio Arc-en-Ciel. Contactez le 02 38 43 48 00. No dejabas de mirar, estabas sola, completamente bella, sensual. Algo me arrastró hacia ti como una ola. Y fui y te dije hola, ¿qué tal? Esa noche entre tus brazos caí en la trampa. Cazaste al aprendiz de seductor. De comer sobre tu palma, haciéndome tu humilde servidor. Cremallera de tu vestido y tú no me dejaste hablar. Solamente suspirabas, te necesito. Abrázame más fuerte, más. Al mirarte me sentí